comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à la 12e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et je suis spécialement heureux de vous accueillir à nouveau sur nos ondes cette semaine. Il y a deux choses par rapport à notre émission que je voudrais souligner brièvement avant de commencer. D'abord, c'est aujourd'hui la 12e émission et c'est un seuil significatif qui me fait extrêmement plaisir à atteindre. Pas juste parce qu'il y avait 12 apôtres ou 12 travaux d'Astérix, mais aussi en se plaçant du côté de la symbolique des nombres. On a, par exemple, les 12 mois de l'année et plus spécifiquement, dans la tradition chinoise, les 12 branches terrestres du cycle sexagésimal chinois. Ou même encore, les 12 signes astrologiques de l'horoscope chinois. Pour cette raison, je voudrais commencer l'émission d'aujourd'hui en souhaitant un joyeux 12e épisode à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en rediffusion, ou encore à partir de la plateforme Internet Archive. L'autre chose à souligner qui me fait particulièrement sourire, c'est que nous terminons aussi aujourd'hui le premier cycle de nos épisodes inspirés de la fameuse théorie des cinq éléments. Nous avons abordé précédemment les thèmes de l'eau, du feu, du bois et du métal. Et il nous reste donc pour cette semaine, afin de terminer cette lecture en cinq éléments, toujours à partir du classique des documents, le thème de la terre qui vient en dernier. À cet égard, le shooting nous rappelle que la terre, elle sent semence et elle porte fruit. La terre, ce n'est donc pas juste la poignée de sable qu'on est capable de prendre dans nos mains, mais c'est aussi et surtout le lieu que nous bâtissons et que nous cherchons à faire fructifier, l'endroit où nous choisissons de vivre et d'habiter. Quand on regarde l'actualité de la Chine, parler de la terre ne peut pas se faire sans parler de territoire. Et en parlant du territoire, il y a d'abord la question des frontières qui revient régulièrement à l'avant-plan. Et bien sûr, avec une insistance de plus en plus poussée depuis quelques mois, la question de savoir si l'île de Taïwan fait partie ou non du territoire de la Chine. Sur cette question précise, autant les politiques que les ouvrages d'histoire de la Chine continentale sont intraitables sur le sujet. Et on nous répète continuellement que Taïwan, Shi Chungguo Shen Shen Lintu de Yipu Fen. Ce qui se traduit par Taïwan fait partie du territoire sacré de la Chine. Même si la question de savoir ce que signifie un territoire sacré, c'est une question qui reste entièrement à définir, surtout dans le langage du nationalisme et du patriotisme contemporain. Ce genre d'idée aide à comprendre pourquoi le gouvernement chinois considère que les relations entre l'île de Taïwan et la Chine continentale sont une question de politique intérieure. Mon propos n'est pas ici de déterminer la validité ou non de cette proposition, mais seulement de souligner le fait que cette représentation d'un territoire sacré explique la récente montée des tensions diplomatiques entre la Chine et le Japon, faisant suite aux propos de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Cette dernière a mentionné récemment que, dans l'éventualité où la Chine lancerait une attaque militaire contre l'île de Taïwan, le Japon pourrait être amené à intervenir militairement, puisque l'intervention militaire chinoise contre Taïwan pourrait constituer une menace existentielle pour l'archipel nippon. L'argument donné reposait notamment sur les routes commerciales maritimes qui sont essentielles au Japon et qui seraient menacées par un blocus militaire, et bien sûr aussi la présence de bases militaires américaines sur le territoire japonais. Quoi qu'il en soit, les autorités de la Chine ont condamné avec véhémence ce revirement dans la politique du Japon à l'égard des relations sino-taïwanaises. Et les autorités ont même encouragé très fortement les ressortissants chinois à éviter tous les voyages au Japon. Résultat des courses, un boycottage massif du tourisme chinois vers le Japon s'en est suivi, alors que les annulations de voyages se sont rapidement additionnées par centaines de milliers. Nous reviendrons bien sûr sur la question des relations entre la Chine et le Japon au cours des prochains mois. Et plus nous avancerons vers l'époque contemporaine, plus cette animosité historique qui les habite sera mise en lumière. Mais, pour l'instant, je préfère revenir tout de suite au thème de la journée qui est la Terre. Non pas la Terre en tant que territoire pour lequel des nations rivales sont prêtes à partir en guerre les unes contre les autres, mais plutôt la Terre en tant que lieu dans lequel nous choisissons d'exister et même nous sommes capables de coexister. Et à cet égard, la première chanson que je vous propose aujourd'hui illustre parfaitement le lieu par excellence dans lequel notre coexistence peut se faire. Ce lieu, il ne s'agit pas d'un endroit, d'un pays, une province ou un village dans lequel on voudrait habiter. Il s'agit d'abord et avant tout d'un état d'esprit, à partir duquel on parvient à faire la paix avec les racines de son propre cœur. Cet état d'esprit qui nous permet de coexister, on l'appelle parfois la fraternité, mais aujourd'hui, je l'appelle l'amitié. Pour toi, mon ami blessé. Parce que l'amitié, c'est tout simplement la chose la plus précieuse qui soit à entretenir. La chanson que je vous offre pour débuter cette émission s'intitule « Tinshen Yuan », soit « Les affinités de la vie ». Et c'est une chanson qui nous rappelle que, malgré les douleurs de la vie, malgré les obstacles, malgré les colères, rien ne sera jamais capable d'effacer les affinités de la vie qui nous habite. La terre, elle sent semence et elle porte fruit, nous disait le Shouting. Et c'est exactement ce que fait l'amitié. Comme une racine profonde, semée à même la terre de notre cœur. Une racine qui porte des fruits de lumière, même lorsqu'on a l'impression d'avancer à tâtons au milieu de l'obscurité. Voici donc Tinshen Yuan, soit les affinités de la vie, interprété par Chuanzi. 兄弟情一场。 在路上，只要我们彼此永不忘。朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，别在乎那一些有何伤。朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，别在乎那一些有何伤。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons aujourd'hui notre lecture du cinquième chapitre de notre récit, chapitre qui porte sur la religion dans la Chine ancienne. Nous avons terminé notre émission de la semaine dernière en évoquant une matrice primitive de laquelle tous les éléments s'harmonisent entre eux et à partir de laquelle toutes les conceptions religieuses de la Chine archaïque se sont développées au fil du temps, reposant sur la famille et l'agriculture. Qu'il soit question de cultes agraires, de cultes familiaux ou de cultes civiques qui apparaîtront plus tardivement dans l'histoire, l'harmonie se veut complète entre les cycles de la nature et le cycle de la vie humaine et sociale. Cette harmonie est telle qu'on y perçoit une concordance et une corrélation directe entre la fertilité humaine et la fertilité de la nature, alors que l'un devient la mesure qui donne un sens à l'autre. Au sein de la pluralité des perspectives religieuses qui émanent de cette matrice primitive, on note une lente transformation qui est à l'œuvre, un double glissement qui vient marquer de son empreinte et de façon considérable tout ce qui touche à ce que nous appelons le fait religieux. D'abord, la première trame de ce double glissement de signification est observable alors qu'on remarque une coïncidence grandissante entre les cultes agraires et le culte des ancêtres. Alors que les rituels primitifs semblaient distinguer les pratiques agricoles des aspects plus familiaux qui leur étaient associés, À mesure que l'on avance dans l'histoire, on voit le culte des ancêtres se confondre de plus en plus avec les cultes agraires, au point que les deux deviennent difficiles à distinguer, comme s'ils étaient en symbiose l'un avec l'autre. Tout se passe un peu, en quelque sorte, comme si l'ancêtre du groupe se confondait avec la nature, venant presque y jouer un rôle de régulation, devenant l'intermédiaire privilégié permettant d'harmoniser le cycle de la vie au sens de l'écologie et de la nature. Cette harmonisation des cycles de la nature est ce qui permet simultanément d'assurer la pérennité du clan. Le culte des ancêtres devient cyclique, en symbiose avec les cycles de la nature, et pour cette raison, on voit que le deuil et sa contrepartie naturelle, la piété filiale, sont devenus avec le temps le rituel central de la société clanique agricole. S'il nous était possible d'exprimer l'imbrication rituelle du deuil et de la piété filiale en une seule phrase, on dirait « Honore tes ancêtres ». Parmi les exemples contemporains qui montrent le plus clairement cette symbiose entre les cultes de la famille et les cultes agraires, la fête de Qingmingjie, qui se déroule au début du mois d'avril à chaque année, servant justement à honorer les ancêtres de la famille, se déroule précisément à un moment de l'année où se planifiaient les semailles et la préparation des champs pour les plantations à venir. La deuxième trame du double glissement qui va considérablement modifier la matrice primitive du religieux concerne cette fois une association de plus en plus marquée entre le culte des ancêtres et l'allégeance politique. Cette trajectoire est, pour sa part, liée au développement des villes et de l'urbanisme, qui coïncide avec la formation des premiers États chinois à l'époque de l'Antiquité, et donc aussi au développement de la royauté à partir des règles de la vassalité. Au cœur de cette dynamique, en plus de constater que la vie urbaine s'éloigne des rythmes de la vie agricole et qu'on s'éloigne graduellement des cultes de fertilité primitifs, on remarque que l'autorité royale du Wang, donc l'autorité politique, est de plus en plus associée à la symbolique de l'ancêtre du groupe. Plus on avance dans l'histoire, plus on constate que la piété filiale, symbole du deuil par excellence, qui permettait de renforcer la cohésion au sein des clans, joue de plus en plus un rôle similaire de cohésion du groupe, mais cette fois, au sein du système politique qui se développe. C'est ainsi que la voie de l'allégeance, de la loyauté et de l'obéissance politique fut tracée, alors que le respect et la dévotion à l'égard des anciens se transposaient graduellement en respect et dévotion pour le monarque. Et ce qui était vrai pour les rois de l'Antiquité devint tout aussi vrai et même plus pour l'empereur à partir de l'unification impériale. À noter par contre que, même si on enregistre un déplacement du sens de la religiosité primitive de l'ancêtre du groupe vers la figure politique, qui incarne le centre du pouvoir, même en se distançant des pratiques rituelles anciennes, la dimension cyclique de la nature est demeurée omniprésente dans les cultes civiques et politiques qui se sont développés au fil de l'histoire. Par exemple, on peut le voir avec l'importance de la performativité rituelle pour la gestion du calendrier de la part de la figure royale. La gestion et la représentation ritualisée du temps, de l'espace et des saisons est demeurée parmi les prérogatives essentielles du pouvoir royal, et ce, jusqu'à la fin de l'époque impériale. Les rituels performés par le monarque jouait une fonction régulatrice fondamentale, puisque c'est la performance adéquate qui permet de conserver l'équilibre des forces de la nature et de l'univers. Du moins, les traces de cette croyance sont omniprésentes dans la littérature et les sources d'époque. Le souverain chinois jouait un rôle fondamental dans la divination, souvent associé à l'empereur jaune, Huangdi, qui jouait sur ce plan une fonction primordiale de précurseur. C'est ainsi que le pouvoir royal, et donc par extension le pouvoir impérial, apparaît comme l'expression parfaite du sens de la religiosité, incarnant l'image de l'étoile polaire autour de laquelle tournent les différents astres du cosmos. Par son action rituelle et par sa position d'autorité, le roi, et donc l'empereur, est la figure qui représente le mieux le cœur de la religiosité primitive de la Chine ancienne. Nous sommes maintenant prêts à commencer le troisième point du chapitre, un point qui s'intitule « Laozi, Chuangzi et l'école de la voix ». Ce qu'on appelle le taoïsme ou l'école de la voix, l'école du Tao, est quelque chose de particulièrement difficile à définir avec précision, surtout à l'époque de la Chine ancienne. Mais c'est encore plus difficile de préciser la signification du Tao qui en est pourtant le concept central. Cette difficulté vient du fait que, d'une part, le Tao est un concept central qui est au cœur de toute l'histoire de la philosophie politique de la Chine. Et donc, conséquemment, c'est un concept qui se retrouve dans le discours de pratiquement toutes les écoles de pensée. D'autre part, même les penseurs les plus influents associés au taoïsme ne s'entendent pas eux-mêmes sur ce que peut signifier le Tao. Par exemple, on dit que Chuangzi utilisait le concept du Tao avec plus de 20 manières différentes dans ses écrits. Mais surtout, quand on prend la peine de lire le livre « Le Tao Te Ching », qui signifie « Le livre de la voie et de la vertu », un livre qui est attribué à Laozi, on apprend dès la première ligne que le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao immuable. Tao ke Tao, Fei Chang Tao. C'est donc dire que tout ce que nous serions capables de dire au sujet du Tao pour tenter de le définir ne serait pas le Tao. Mais pour s'y retrouver un peu, je laisse de côté l'analyse philologique des textes que d'autres ont fait ailleurs. Et avant d'aller plus loin, retournons tout de suite au thème de la Terre, et à une pièce musicale qui vient mettre en valeur l'idée de la terre natale, le lieu d'où on vient, là où on se sent véritablement chez soi. J'ai choisi une pièce musicale pour faire un petit clin d'œil à l'amitié dont j'ai parlé plus tôt. C'est une pièce interprétée au pipa, une pièce qui s'intitule « Ci sinan chu shi wu xiang ». Ce qu'on peut traduire par « Ce lieu où je me sens en paix, voilà ma maison ». Voici donc à nouveau Fang Qinglong interprétant au pipa la pièce « Ci sinan chu shi wu xiang ». Et nous, on se retrouve après la pause.